mardi 1er mai. Bonjour et bonne fête à tous les travailleurs. Bienvenue dans cette édition dont voici les grandes articulations. Célébration ce 1er mai au Burundi et dans le monde de la fête du travail des travailleurs. Dans le discours relatif, le président burundais a annoncé la collecte par l'Office burundais des recettes OBR de 212 milliards de francs burundais au cours du premier trimestre de cette année. Vous aurez également dans ce journal la réaction de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi. En province Lumonge, les partis politiques et coalitions des indépendants ne se sont pas fait inscrire en grand nombre pour battre la campagne électorale pour le scrutin référendaire du 17 mai. Vous l'entendrez dans ce journal. Et à la fin de ce journal, vous aurez la chronique santé sur la prostate, une maladie exclusivement masculine. Le docteur Nkesha Gisita Théophile nous en dira plus dans le journal présenté par Mireille Kanyange. La mise en onde est assurée par Elie Kadogo. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Célébration ce 1er mai de la fête du travail des travailleurs. Au niveau national, le numéro 1 burundais est en province Rutana, à la société sucrière d'Omoso, en commune Bukemba et en mairie de Bujumbura. Les festivités ont été rehaussées par la présence du premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. Et dans son discours relatif à cette fête du travail des travailleurs, le président burundais se félicite du travail effectué par l'Office burundais des recettes. Il a dit dans son discours, comme je venais de le dire, à la nation du 1er mai, il a expliqué qu'au cours du premier trimestre de cette année en cours, l'OBR a pu collecter plus de 12% des recettes attendues. Dans son discours également, Pierre Nkurunziza a indiqué que le gouvernement burundais prévoit d'engager 1600 nouveaux fonctionnaires dans certains ministères au cours de cette année, que pour éviter le favoritisme, le travail sera confié à la Commission nationale de recrutement. Suivez-le, traduit en français par Placide Niyomungere. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a redonné l'image à la Commission nationale de recrutement et les tests se font dans la transparence. Au cours de cette année 2018, le gouvernement prévoit 1600 nouveaux recrues dans le ministère de l'Éducation, du Travail, du Développement communal, de la Santé, et sans oublier les remplacements des retraités, de ceux qui sont morts ou ceux qui sont partis. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a ouvert 120 écoles de métiers dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage à travers toutes les communes du pays, et cela pour faire face au chômage qui guette nos jeunes qui n'ont pas pu continuer les études après l'école fondamentale ou tout autre qui veulent se spécialiser dans ce domaine. Nous remercions les employés qui se donne corps et âme pour faire avancer le développement du pays. Sans toutefois énumérer tous les départements, nous remercions vivement l'Office burundais des recettes qui a bien travaillé au cours de ce trimestre de l'an 2018 en collectant près de 212 milliards sur 190 milliards qui étaient prévus. Il y a eu presque 22 milliards de surplus, c'est-à-dire plus de 12%, ce qui est une bonne nouvelle dans l'histoire de notre pays depuis la création de l'OBR. Pierre Nkurunziza, président burundais. Certains travailleurs de la mairie de Bujumbura regrettent que leur salaire soit insuffisant et que la vie quotidienne devient chère au jour le jour. Mais toutefois, ils disent être satisfaits de la situation sécuritaire actuelle. Suivez-les au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Cette journée nous intéresse parce que nous sommes des travailleurs. Travailleuse, mais le salaire est insuffisant dans ces jours. Mais ce serait mieux de nous encourager à augmenter le salaire pour que nous travaillions avec courage. Je suis très heureux de la fête. La fête se déroule bonnement à notre pays, le Burundi. Nous remercions beaucoup le gouvernement qui a fait tous les efforts pour que le tout se déroule convenablement dans notre pays. Ah, pour moi, c'est une journée spéciale. En tant que travailleur, je fête mon métier, je fête ma passion, je fête mon emploi de tous les jours. Oui, le salaire est très minime. C'est comme ça, c'est ce qu'on vit parce que les denrées alimentaires montent de près de jour en jour et les salaires ne monte pas. Mais puisque le travail ennoblit l'homme, on doit travailler pour survivre quand même. Même les petits métiers, ça fait vivre. Je dis courage à tous les travailleurs. Le message est unique, c'est d'encourager les travailleurs parce que c'est grâce aux petits travailleurs que la société ou le gouvernement ou les ministères évoluent. Parlons toujours de cette fête du 1er mai, fête du travail des travailleurs. La Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, CSB, indique que le fonctionnaire de l'État est dans l'impossibilité de joindre les deux bouts du mois suite au maigre salaire qui touche à chaque fin du mois. Le président de cette confédération ajoute que la flambée des prix des denrées et la dévaluation de la monnaie burundaise viennent empirer la situation. Gilbert Agnawakila demande au gouvernement burundais de revoir les rémunérations à la hausse. On les écoute au micro d'Evariste Nzikobanyanga. La situation des travailleurs burundais, je ne dirais pas qu'elle vit dans une situation qui se détériore au jour le jour au regard des conditions de vie, puisqu'il y a le salaire qui est là. Je dirais un salaire, il est un peu fixe parce qu'on peut passer X années sans que le salaire change, mais il y a aussi les produits qui augmentent le prix au jour le jour. Nous assistons à une inflation, ce qui fait que s'il y a une augmentation des prix, le salaire devrait augmenter en conséquence. Il devrait y avoir une indexation par rapport même aux devises, comme c'est prévu par l'article 42 des statuts généraux des fonctionnaires. Mais comme il n'y a pas d'indexation, vous comprenez donc que les travailleurs vivent en descendant à des meilleures conditions de vie. On voudrait, c'est notre souhait le plus ardent, que le gouvernement fasse de son mieux pour qu'il puisse ajuster les salaires par rapport aux conditions de vie, par rapport au prix, parce que le pouvoir d'achat des travailleurs s'amenuise au jour le jour. La radio de l'avenir. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page politique. Les partis politiques et les coalitions des indépendants ne se sont pas fait inscrire en grand nombre pour battre la campagne référendaire du 17 mai dans différentes communes de la province Rumonguese au sud du Burundi, excepté le parti au pouvoir. Pour la coalition Amizero ya Barundi, l'on estime qu'il y a encore du temps, alors qu'au parti Ranak, l'on informe qui feront le porte-à-porte, comme nous le rapporte Jean-Pierre Misago. Jusque ce lundi, aucun parti politique ou coalition ne s'était déjà fait inscrire en commune rumongaise pour y battre la campagne référendaire. La situation est similaire en commune Wuyengero, où le conseil technique aux affaires administratives et sociales informe qu'une réunion préalable est prévue ce mercredi. Dans les communes de Burambi, Muhuta et Bugarama, le CNDD-FDD s'est déjà fait inscrire avec le parti UPRONA et la coalition Amizero ya Barundi en commune Bugarama, comme l'indique Joachim Manirakiza, administrateur communal de Bugarama. Karufani Juma Eric Nizigimana, représentant provincial du parti Ranak à Rumonge, dit que puisque ce parti s'est fait inscrire au niveau de la CENI, cela suffit. Car à Rumonge, la campagne se fera porte à porte comme autorisé par la loi, et cela pour des raisons sécuritaires. Du côté de la coalition Amizero ya Barundi, Obed Nakiruta, député élu dans la circonscription de Rumonge pour le compte de cette coalition, dit que de ce mercredi, l'inscription va se faire là où elle ne l'est pas encore, arguant qu'on avait attendu le coup d'envoi de l'administration. Comme en commune Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Restons dans le sud du Burundi. Cette fois, c'est en province Bururi où le gouverneur de cette province invite les partis politiques indépendants à aller massivement battre campagne dans sa province. Christian Nkurunziza fait savoir que les partis indépendants qui ont déjà soumis la demande de mener la campagne aux autorités administratives dans cette province sont le CNDD-FDD, l'UPRONA et le FRODEBU Nyakuri, ainsi que la coalition Amizero ya Barundi. Cette autorité provinciale rassure qu'il a déjà été demandé aux responsables administratifs et sécuritaires de veiller à la sécurité et à la liberté de ceux qui mènent la propagande. Suivez-le au téléphone avec Eline Bell Nibigira. aujourd'hui, c'était prévu qu'on commence la campagne référendaire. À Bururi, ils ont d'abord cité la fête du travail, mais je pense que dès demain, ils seront dans la campagne. Et nous attendons impatiemment ceux qui viendront faire la campagne. Et je voudrais d'emblée vous dire que ceux qui sont enregistrés pour mener la campagne référendaire, il y a le parti CNDD-FDD, il y a le parti IPONA, il y a le Prodebou Nakuri, il y a le parti FNL, il y a la coalition Amizu Rebarundi qui a déjà demandé aux administrateurs communaux de les faire enregistrer suivant l'ordre d'arrivée. Et un parti ou une coalition qui aurait demandé ou faire la campagne, ce parti ou cette coalition dans cette place suivant l'ordre d'arrivée pour éviter les tapages. Surtout, ce que nous recommandons aux administratifs, c'est de rester à côté de ces représentants des partis politiques pour que ces partis politiques demandent à leurs militants ou pour que cette coalition demande à ces militants comment ils vont voter dans des rapages, surtout dans le strict respect des institutions et les partis adverses. Ils doivent se respecter mutuellement. C'est ce que nous recommandons. Sinon, chacun a le droit de s'exprimer librement pourvu qu'il respecte la loi à l'esprit et à la lettre. Vous tranquillisez donc ceux qui vont battre la campagne qu'il n'y aura pas de contraintes? Chez nous, il n'y aura pas de contraintes parce que nous sommes déjà préparés psychologiquement. Christian Nkurunziza, c'est le gouverneur de la province Bururi au sud du Burundi. Quittons cette partie du Burundi pour nous rendre en province Mwaro. C'est au centre du Burundi où les femmes de cette province disent ne pas être suffisamment représentées dans les organes de prise de décision. La plupart des services provinciaux sont dirigés par des hommes, déplorent les femmes leaders regroupées dans cette province. Au cours d'un atelier, se sont accordés sur la sensibilisation de toute personne afin d'améliorer la situation. Les détails avec Laurent Dikuriyo. Selon les propos de ces femmes leaders regroupées dans différentes associations de la province Mwaro, la plupart des services provinciaux sont pilotés par des hommes. Par exemple, les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture dans cette province sont dirigés par des hommes. Il en est de même du secteur de la justice. Au niveau de l'éducation, sur 51 écoles ayant le niveau poste fondamental, une seule est dirigée par une femme. Pour les responsables des écoles fondamentales, il y a 27 femmes sur 143 qui comptent la province Mwaro. Au niveau de la santé, les deux districts sanitaires de cette province, à savoir Kibumbu et Fota, sont dirigés par des hommes. Au niveau de l'administration, sur 131 collines que compte la province Mwaro, 9 seulement sont dirigées par des femmes. Ces femmes leaders regroupées en association dans cette province signalent qu'en passant se fait remarquer dans l'administration communale, car il y a 3 femmes administrateurs communaux sur 6 que compte la province Mwaro. Et soulignent que dans les partis politiques, des listes zébrées alternant les hommes et les femmes devraient être élaborées. Elles indiquent qu'elles aussi sont capables d'une bonne organisation. Ici, l'exemple est celui de 442 cas de litiges qui ont fait l'objet de médiation en 2017 par les femmes membres du réseau des filles et femmes actrices de la paix et de dialogue dans cette province. 189 cas de litiges ont pu être vidés selon médiatrice Quizela, présidente de ce réseau en province Mwaro. Pour améliorer cette représentativité des femmes dans ces organes de prise de décision, elle propose la sensibilisation pour le changement des mentalités, la lutte dans les partis politiques, la création des activités génératrices de revenus pour accroître leurs revenus. Signalons que cela ressort d'une journée d'échange débat de ce lundi, organisée par le réseau des filles et femmes actrices de la paix et du dialogue sur le rôle de la femme dans la consolidation de la paix. Tomoaro, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique. Place à la chronique santé de ce mardi. Le docteur Nkesha Gisita Théophile nous parle du cancer de la prostate qui est une maladie exclusivement masculine et s'il est traité à temps, le patient peut recouvrer la santé. Ce docteur chirurgien indique que la méthode de prévention du cancer de la prostate, c'est que les hommes de moins de 50 ans doivent faire des examens pour voir l'état de leur santé. La chronique santé est signée à Lida Daikez. La prostate est une glande de l'appareil reproducteur de l'homme. Elle se situe sous la vessie et traversée par l'urètre. Cela est expliqué par Dr Nyesha Gisita Théophile, chirurgien. Il dit que des examens sont nécessaires pour déterminer qu'une personne souffre du cancer de la prostate. Il faut parler de l'hypertrophie prostatique. Ça peut être le cancer ou c'est pas le cancer. Toute hypertrophie de prostate n'est pas nécessairement un cancer prostate. Ça peut être l'adénome. Et là, tu peux le différencier par examen physique, aidé par examen paraclinique et laboratoire. Docteur Nyesha précise que l'âge avancé est le facteur de ce cancer qui s'attaque qu'aux hommes. La prostate, c'est un organe mâle. La femme n'a pas de prostate. Par conséquent, c'est uniquement les hommes qui sont concernés. À 50 ans et plus, ce sont ceux dont on parle de prostate de cancer. Généralement, on a remarqué que le noir souffre de cancer de prostate plus que le blanc. Je sais que la plupart parlent de partenaires sexuels multiples, mais ce n'est pas vrai. C'est l'âge, tout simplement. Et la prostate, c'est comme si on souffre de cécité ou bien de cheveux blancs. Ça, c'est question d'âge, c'est pas question de partenaire. Les problèmes urinaires sont des symptômes du cancer de la prostate, comme l'indique Dr Nyesha Théophile. Lorsque on a l'hypertrophie de prostate, comme on dit, le malade aura difficulté à uriner. Il peut soit se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour aller uriner parce qu'il ne vide pas bien sa vessie. Par conséquent, ça se remplit très vite. Ou bien il peut uriner sur ses bottes, comme on dit, ou carrément avoir une rétention urinaire. Le chirurgien Nyesha fait savoir que le cancer de la prostate peut être maîtrisé à condition qu'il ne soit pas à un stade avancé. Les personnes souffrant de cancer de prostate, on peut les opérer, même si on ne le fait pas ici chez nous. Lorsqu'on trouve qu'il y a l'hypertrophie prostate, il faut prendre la biopsie. La biopsie va vous indiquer avec ce score de Gleason. Entre 0 et 5, on peut opérer. Mais si c'est au-delà de 5, on peut donner des médicaments. Le médicament, c'est dans la visée de faire la castration. La castration, c'est pour que le testicule ne continue pas à produire la testostérone qui va enflammer de plus le cancer. Il peut y avoir des complications. Là où on a enlevé la prostate, par exemple, si on a opéré, enlever la prostate ne signifie pas que tu ne peux pas avoir le cancer. Il peut y en avoir. Docteur Nyesha Gisita Théophile, chirurgien, indique que la prévention du cancer de la prostate réside en dépistage chaque année pour les hommes de plus de 50 ans qui n'ont aucun symptôme de cette maladie. Merci à Alida Ndeikeza et au docteur chirurgien Nyesha Gisita Théophile pour cette chronique santé. À 13h, 13 minutes dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eli Kadogo qui assurait la mise en onde. À toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser jeudi. Merci encore une fois. Très bonne fête à tous les travailleurs du Burundi. À plus.